sèche, les folles, la balle, le hasard excite, les vapeurs d'alcool, le matraquage de la flamme, et je retombe dans ma spirale inversée, les remplissages forcés. User la corde raide et le bon signal électrique sur la même longueur d'onde que les glottes enfoncées. Je me fais marcher sur un fil, les enlèvements du crachat de la vicissitude, la perte est une aiguille, et les silicones maculés, des fragmentations immaculées qui échappent pourtant aux lois de la physique. La brune incestueuse, élotiste performant, autosuffisant, l'audace est nécessaire pour déchiffrer la mystique des lois cosmiques, amassées par les mots et leur carapace dorée. Non, la quête du Graal n'est pas un plaisir. La lune habite et refroidit mon abdomen, tonnant le 442 à maison de bordélique et rayonnante autour de ma tête comme une auréole, un aura de peine et de douleur qui pétrifie parfois mes sens et les incidents de mes passions. Étendu sur le clitoris, baigné de sécrétions laiteuses qui m'enivrent et me transforment en être atroce. Mes chairs pendantes et virulentes brûlent au contact du sol. Bois maîtriser ces grognements horribles pour les transformer en langage puis en poésie. Aux merveilles de la matière encéphalique. Aux merveilles de la matière encéphalique. Aux merveilles de la matière encéphalique. À 100 milieux des altérités autotunées, là où les paysages sont en négatif, des êtres que mon esprit malade a créés prennent la forme d'ombre et de récif. Sale et orange, sous le ténébreux ciel des damnés, je trouve un vieux flacon et quelques phalanges. Quand le vent ramène l'odeur des fleurs fanées, les tumeurs surgissent et disparaissent. Quand les liens faits de l'harmonie s'affaissent, je conserve.